inspecteur, moi je ne sais rien par cœur. Oui, je suis le dernier. Je passe pour un cuistre, mais je m'en fous, je suis près du radiateur. Tous les mardis à 19h. Yeah. Vous écoutez l'émission Au fond près du radiateur sur FPP 106.3. Non. Truc de dingue. Truc de malade. Truc de psychopathe. Truc de fée. Strong. Au fond près du radiateur. On doit continuer le combat contre le racisme, contre la violence policière, contre le travail qui nous tue, contre le chômage, contre la dégradation des quartiers populaires. La seule alternative pour nous, c'est la lutte. C'est la lutte. C'est la lutte. 106.3. Radio fond près du radiateur. Non pas Sarah. Grève générale. Et rien d'autre. Et il faut qu'on soit déterminés dans nos actions. Et on ne doit pas lâcher. Et si on est tous ensemble, on va y arriver. C'est pas eux qui vont décider notre vie. Yo, au fond près du radiateur, man. Tous les mardis soirs, 19h, FPP 106.3 FM. Bonsoir à tous et à toutes. Et donc, on se retrouve comme tous les mardis soirs pour l'émission Au fond près du radiateur en direct sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Donc, on va faire un petit sommaire de quoi on va parler ce soir. On est ensemble jusqu'à 20h30. Donc, pour rappeler un peu, Au fond près du radiateur, c'est une émission qui cherche à donner la parole directement aux acteurs des luttes sociales, à ceux qui luttent. Et notamment aujourd'hui, on va être avec les grévistes de l'hôtel Holiday Inn, donc qui se trouve à Porte de Clichy. Et vous êtes en grève donc depuis le 19 octobre. Donc aujourd'hui, on est avec Mirabel, Eric et Sidi B. Donc bonsoir. Oui, bonsoir. Et on est avec Étienne aussi. Vous faites tous partie du syndicat CNTSO. Donc voilà, on va parler avec vous. Vous êtes salarié notamment de la sous-traitance, équipier, gouvernante, femme de chambre ou quoi. Et vous subissez vraiment, on peut le dire, les réformes Macron avant l'heure, la loi travail avant l'heure. C'est-à-dire que dans la sous-traitance, c'est parmi les conditions de travail les plus dures qu'il peut y avoir dans l'hôtellerie. Et en tout cas, ça nous intéressait de savoir pourquoi vous étiez en grève, de vous donner la parole. Donc ça sera la première partie de cette émission. Et en deuxième partie d'émission, donc Mouloud, tu as invité des membres du collectif Engarde Records. Voilà, c'est ça. Donc ça sera pour parler de quoi ? De Colette Magny, qui est une chanteuse militante. Il y a eu toute une série d'actions, d'expositions autour de cette personne. Et j'ai considéré que c'était très intéressant de voir une femme militante et aussi une musicienne. Voilà, ça met en valeur aussi que la musique, ça peut être un engagement. Et comme elle n'est pas beaucoup connue, je trouve ça très intéressant autour de ce livre. Et on aura donc deux invités, Alex et Scam. Voilà. Ok, donc on remercie Robinson qui est à la technique ce soir. Et je me présente aussi, c'est moi-même, ça sera Raphaël. Donc, enchanté, Raphaël. On est ensemble, comme on le disait, jusqu'à 20h30. Et tout de suite, on va écouter un petit peu de musique avant de parler de la grève à l'hôtel Holiday Inn, Porte de Clichy. Lo que pasa en el barrio, se queda en el barrio. Vengo de un lugar en Colombia famoso por coca y café. Pero el que quiere puede se mueve, aquí mueve montaña la fe. Pura plata, la lata se gastan en gata, lo duro se ve. Guarden energía para el que enrolé. Whisky, ñisky, candela y olé. Vengo más alterado que Goliat con David. Sancocho, cilantro y si no tiene Wii. En venta por allí, caliente como el ají. Y si es que no me cree, pa' de pase por aquí. Caiga de roces, el bote y por ahí derecho conoce. Que la vida está cara y no para, vivalo, pa' que lo goce. Caiga de roces, el bote y por ahí derecho conoce. Que la vida está cara y no para, vivalo, pa' que lo goce. Que es duro pero no importa si se cree, sisas. Brindemos por otro día que estamos vivos, sisas. Que estoy es que me enloquezco y busco mi puesto, sisas. Que yo A ver la gente que las manos alza. Así se vive, así pasa por mi casa. Poncha mujeres con las tiris falsas. De aquí al mundo hip hop con salsa. Colombiano, suramericano, mi hermano. A todo fucking club dando la mano. Pretty mujeres con un big ass ano. You heard me, homie, de aquí hasta el fin. El care loco de los black jeans. El mismo insane that you ever seen. En mi ciudad, Colombia, Medellín. Esta es mi canción, yo this is my song. Para los colombianos fuera de la nación. Cuéntale a tu amigo y coge el funk. Está cantando en la radio el OG Smoking Young. Mudos, sordos, locos, cojos, blancos, negros, no falta el flojo. Ven un billete y dicen yo lo cojo. Es mi país, amarillo, azul y rojo. Caiga de roce, es el bote y por ahí derecho conoce. Que la vida está cara y no para, vivalo, pa' que lo goce. Caiga de roce, es el bote y por ahí derecho conoce. Que la vida está cara y no para, vivalo, pa' que lo goce. Que es duro, pero no importa si se cree, sisas. Brindemos por otro día que estamos vivos, sisas. Que estoy es que me enloquezco y busco mi puesto, sisas. Que yo no busco millones, busco billones, sisas. Así lo cuenta el barrio, sisas. Palma Productions, homeboy, sisas. Guajiro, Hugo, 30 meses, Texari, sisas. Don't pin it insane, loco, sisas. Paz, peace. Ok, c'était au fond près du radiateur, donc la musique, je ne sais plus exactement ce que c'était. Robinson, peut-être tu peux nous dire. Oui, Dampini de Cézanne. Et voilà, on est avec les grévistes de l'hôtel Holiday Inn, Porte de Paris. Et merci d'être là. Merci. Merci. Tous les matins, vous êtes sur le piquet de grève devant l'hôtel. Donc demain matin, vous commencez à 7h. Hein. Le piquet de grève, donc voilà, il est un peu tard. On vous remercie vraiment d'être là, quoi. Et pour vous présenter un peu, si déjà vous pouvez vous présenter, s'il y a des auteurs, des auditeurs ou des auditrices qui connaissent pas du tout l'hôtellerie, le milieu de l'hôtellerie restauration, si vous pouvez expliquer un peu qu'est-ce que vous faites à l'hôtel Holiday Inn comme métier, par exemple. Donc Mirabelle. Oui, bonsoir à tous. Je suis Mirabelle. Gouvernante à l'hôtel Holiday Inn pour la société Emera. Le poste de gouvernance consiste à répartir le travail des femmes de chambre, des équipiers le matin, ensuite à faire des contrôles des lieux publics, des chambres, etc. Donc, depuis 2007, à l'hôtel Holiday Inn, nous rencontrons beaucoup de problèmes au niveau de notre travail. De société en société, de sous-traitance, d'abord avec la société Net Hotel, ensuite la société Harmonie, ensuite Azurial et PEI et maintenant Emira. Donc depuis la société Net Hotel, on se bat tout le temps pour pouvoir bénéficier des conditions de travail décentes dans notre quotidien. Avec tous les noms de sous-traitants que tu as évoqués, on a l'impression que ça change assez souvent votre employeur. Tu as évoqué 4-5 noms de sociétés de sous-traitance qui vous ont employé par le passé. Oui. Et notamment, le dernier, c'était PEI. Le dernier, c'était PEI. C'était PEI. Qui a perdu le marché décembre. En décembre 2016. Mais avec la société PEI, nous avons eu beaucoup d'avantages. Nous avons combattu pour avoir 2 jours de repos consécutifs. Nous avons combattu pour diminuer la cadence des femmes de chambre de 4 chambres à l'époque à 2 chambres et demie. Par heure. Heure. Donc, les filles se sont retrouvées en train de faire 17 chambres pour 7 heures de travail plus une heure de pause. Depuis la venue de la nouvelle société Emirat, nous avons perdu toutes les conditions de travail que nous avons acquises au préalable pendant nos mouvements. Donc, avec Emirat, nous sommes constamment dans des situations difficiles, c'est-à-dire du harcèlement. Les cadences ont changé. On se retrouve en train de faire 20 chambres pour 4 heures. Le gouvernant contrôle plus de 90 chambres. Les équipiers ont du surcroît de travail. Donc, c'est pour cela que depuis le 19 octobre, nous sommes en grève pour revendiquer nos acquis des anciennes sociétés de sous-traitance qui sont passées à Holiday Inn pour des clichés. Donc peut-être, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que ça veut dire faire une chambre ? Donc quand on parle d'augmentation des cadences, faire plus de chambres par heure, déjà qu'est-ce que c'est faire une chambre concrètement ? C'est utiliser des produits chimiques pour les nettoyages et c'est aussi porter des charges assez lourdes. Par exemple, s'il faut retourner les matelas ou des choses comme ça, ça va être des choses qui vont être assez difficiles au quotidien. Et c'est vrai que c'est un métier qui est assez dur. Qu'est-ce que vous faites quand vous faites une chambre concrètement, si tu pour une femme de chambre, faire une chambre concrètement, c'est débarrasser tout ce qui est ça dans la chambre, c'est mettre des produits chimiques vraiment dans des toilettes pour pouvoir les nettoyer, c'est faire la poussière, l'aspirateur et faire les lits. Et tenant compte que dans nos chambres à l'hôtel Holiday Inn, nous avons des chambres qui ont 2 à 3 lits par chambre. Donc la femme de chambre qui a 17 chambres par jour se retrouve en train de faire 17 lits fois 2, voire par 3. Donc ça dépend vraiment de c'est ça que j'appelle cadence. Donc c'est très très très élevé dans cet hôtel. D'accord. Et c'est un métier notamment où, à cause de ce travail-là qui est assez répétitif et vraiment qui est difficile de par l'exposition aux charges lourdes ou aux produits chimiques, il y a beaucoup de maladies, ce qu'on appelle des maladies professionnelles aussi, des TMS, des tendinites. Il y a beaucoup de maladies en ce moment. Il y a beaucoup d'arrêts de travail, des accidents de travail. Nous avons environ 5 collègues qui sont en arrêt en ce moment pour des accidents de travail, des arrêts maladies. Donc des arrêts maladies, c'est consécutif, c'est tout le temps. Tous les mois, nous avons au moins un collègue qui a un arrêt maladie et des arrêts maladie de très très longue durée. Donc c'est un métier qui est assez dur et quand on parle d'augmenter les cadences, on voit vraiment quelles conséquences ça va avoir sur les personnes de demander de faire un travail encore plus dur, encore plus rapidement ou des choses comme ça. C'est vraiment assez grave quoi. Et équipier, toi Eric, t'es équipier aussi. En quoi ça consiste exactement ? Oui, bonsoir, chers auditeurs. Je suis Eric, équipier d'hébergement. Je travaille pour la société Emirat. Donc, le poste d'équipier hébergement consiste à passer l'aspirateur dans les étages et à répondre aux appels de la réception et des gouvernants. Je tiens à préciser qu'il y a 2 bâtiments, il y a 15 étages à passer l'aspirateur tous les jours. Donc, c'est vraiment un travail difficile, pénible. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est pour parler des conditions de travail. Parce que Emirat est venu le 19 décembre. On a assisté à la dégradation des conditions de travail. Donc on a perdu tous les acquis. Donc les femmes de chambre souffrent. Le matin, elles arrivent avec la boule au ventre. Il y en a même le soir qui rentrent en pleurant. Donc c'est pour vous dire que la société Emirat exerce une pression énorme sur les salariés. Donc, on a assisté à une première mutation. C'était une mutation brutale. Une dame qui s'est présentée sur son lieu de travail, qui a plus de 10 ans d'ancienneté. Donc, elle a eu sa plan de travail. Elle devait commencer sa journée de travail. Et il y a l'inspectrice qui est arrivée, qui a dit, « Madame, aujourd'hui, vous ne travaillez plus ici. Vous êtes mutée. » C'était vraiment un choc pour la dame. La dame venait de congé maternité. Donc, la dame a été mutée dans ces conditions. Donc, nous, on était impuissants face à cette situation. Donc, après la mutation de la dame, la société continue à exercer une forte pression sur l'ensemble des salariés. Donc, en date du 10 ou 12 octobre, Donc il y a une autre collègue qui s'appelle Blandine qui a été mutée dans les mêmes conditions. Donc vu tout ce qui se passe à Holiday Inn, nous les salariés, nous avons décidé de se mettre en grève pour contester les conditions de travail, les mutations abusives. Donc c'est pour ça aujourd'hui, moi je suis là pour parler de tout ça. C'est une lutte, nous sommes en lutte. Et Sidi B, je ne sais pas si vous voulez prendre la parole aussi pour expliquer un peu. Vous êtes équipier aussi, c'est ça? Je suis équipé, mais c'est toujours ça la même situation. Bon, ceci, monsieur Sidi B Sileman. Je travaille à l'UDN à Port-Kitchi. Donc, on a une grève depuis le 19 octobre par rapport à l'émettation de notre collègue. Donc, il y a, comme Eric vient de dire, il y a la première partie. Donc, toujours sur le même cas, qui continue à faire. Donc, c'est ça qu'on a fait la grève. Donc, on ne veut pas. Donc, avec les conditions de travail, jour de repos à coller, il n'y a pas ça. Donc, mais fais le repos comme il veut. Tu peux travailler 4 jours, on te met un jour de repos. Après 5 jours, on te met un jour de repos. Donc, là, finalement, tu ne sais pas comment tu fais ta vie. Donc, c'est tout ce qu'on le met en dehors. Bon, pour faire la grève. C'est-à-dire que les plannings changent toutes les semaines. Elle-même peut même changer même à la même jour même. Tu vois, avant de monter, tu vois tes plannings, demain tu travailles. Si tu n'es pas regardé le soir, demain matin tu viens, tu n'es pas là. D'accord. Donc c'est son cas, c'est comme ça. Même le matin, il a fait une femme dans le sang. C'est la même chose. Donc moi, si je suis équipé, je commence à 4h du matin, je finis à midi. Voilà. Donc D'accord. C'est ça. Okay. Et avec la société Emera, donc vous êtes embauché en sous-traitance, vous n'êtes pas embauché directement par Holiday Inn, mais c'est Holiday Inn qui paye Emera pour un service en quelque sorte, et donc ensuite vous percevez des salaires par la société Emera. Donc vous êtes 35 salariés à peu près de la société Emera à Holiday Inn, c'est ça ? Oui, tout à fait, oui. Et il y a aussi environ une cinquantaine de salariés. Moins de 50 à l'hôtel Holiday Inn. Holiday Inn. Entre 40 et 50 salariés directement embauchés par l'hôtel Holiday Inn. Et du coup, là, la grève, est-ce que c'est tout le personnel de l'hôtel, donc Holiday Inn et Emera, qui s'est mis en grève le 19 octobre, ou est-ce que, justement, c'est surtout... comment ça se passe, les rapports avec les collègues qui sont embauchés directement par l'hôtel? Est-ce que... dans le mouvement aujourd'hui, il me semble qu'il n'y a que la société Emera. Mais relevons que Holiday Inn n'a pas de syndicat. C'est un hôtel qui n'a pas de syndicat, dont les salariés de cet hôtel sont sous l'emprise du patron, de leur responsable. Donc ils ne peuvent rien faire. Les conditions, oui, avec les ouvriers, si je peux appeler ça, les petits ouvriers de Holiday Inn, il y a la courtoisie, mais avec la direction d'Holiday Inn, c'est une ségrégation qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire que même les heures de repas, on ne peut pas manger sur la même table que ces personnes-là. Et même quand ils finissent de manger les croissants qui restent, la directrice les met directement à la poubelle pour qu'on ne les mange pas. Nous sommes parfois obligés de voler des croissants pour manger en cachette. Donc c'est ce qui est inacceptable. C'est vraiment inacceptable. Donc, il n'y a pas de complicité avec, il n'y a pas de dialogue avec la direction Holiday Inn. C'est vraiment une séparation. C'est deux mondes. C'est D'accord. deux mondes. Et du coup, vous avez l'avantage d'avoir monté un syndicat. Mm-hmm. Donc, je ne sais pas combien de temps ça fait ou quoi. Mais comment on peut se défendre quand on travaille dans la sous-traitance Qu'est-ce qui est possible de faire? Depuis 2007, à l'ouverture de l'hôtel, nous avons eu la chance de tomber sur le syndicat CNT, où je suis représentante depuis 2007. Donc, du coup, nous avons quand même mené des combats. Parce qu'à l'époque, les femmes de chambre avaient des contrats de 3 heures. La CNT a combattu. Nous avons gagné des contrats de 7 heures. Toutes les filles étaient à 7 heures. On a 7 heures par jour de travail, de 3 heures à 7 heures. Donc c'était déjà un acquis. La CNT a gagné. Ça fait 35 heures par semaine. 35 heures par semaine. Et la CNT a fait gagner 2 jours de repos consécutifs. Avant, on venait avec nos teneurs à la main. Avec le combat de la CNT, nous sommes habillés. Ça, c'était un combat. Mais depuis la succession des autres sociétés, nous sommes en train de perdre nos acquis tout doucement. Donc au fur et à mesure que le donneur d'or recrute les nouvelles sociétés, on perd tous ces acquis-là. Surtout avec la nouvelle société Emira qui, depuis 9 mois, on n'a plus les jours de repos. On sait quand on commence le travail le matin, mais on ne sait pas quand on termine. C'est-à-dire qu'on fait des journées, voilà, on ne les récupère pas. Parfois, tu es obligé d'appeler ton voisin pour aller récupérer ton enfant. Parfois, l'enfant, l'école t'appelle pour dire l'enfant, qu'est-ce qu'on fait avec l'enfant. Et c'est les femmes qui pleurent tout le temps. Les gouvernantes, chaque fois qu'on a une réunion de gouvernantes, les gouvernantes sortent en pleurs, vraiment en pleurs. On pleure tout le temps parce que la pression est énorme pour faire craquer l'ancienne équipe. Ce que je vous propose, c'est on va faire une petite pause musicale et ensuite on va plus parler de... Aujourd'hui, ça fait 15 jours, vous êtes en grève presque. Oui. Donc on va plus parler de la grève, comment ça se passe, comment on peut vous soutenir aussi et que vous nous racontez ce que vous vivez actuellement, les piquets de grève, okay. etc. D'accord. Donc on rappelle, vous travaillez à l'hôtel Holiday Inn, Porte de Clichy. Et c'est l'émission Au fond près du radiateur. Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM jusqu'à 20h30. Un peu de musique. Constance of hurriedness, dressed as a friend, as nice as they come. Knife shall be plunged deep into the flesh of them that were happy to least expect it. Blood may well be thicker than water, but war will arrive with no word of warning. Angels of the morning, demons in the noon, ever consumed by beating off the gloom. There in the moment, faced with the truth, just ain't gonna know what's the right thing to do. The life of the little, the life of the great deal. Life taking life, death making space for life. Vain fights of, vain flights of. Hands are tied, sick and damn tired. The cold truth makes room for the warm lies. Sometimes it feels like fighting for, wasting away, fighting for. Choosing the right battle, recognizing the foe at the end of the road that leads to a road from out of the blows. No news is bad news, accustomed to assuming the payments of dues. From right where you stand, that brings out the upper hand. Peace makes the man, but the ego runs right. Stepping to the light while remaining in the darkness. Fortune's lane pertaining to the heartless. It may seem like a viable option. Fire against fire is a strange concoction. Karmic justice will reign supreme. Routines in life cause a loss of belief. Well, regaining that, reframing that. New name for that, new lane to bat. Greater steps for all creed and kind with movements of this divine decide it. Sometimes it's those moments, y'all. It feels like fighting for, wasting away, fighting for. Open our eyes and recognize. Sometimes it feels like fighting for, wasting away, fighting for. Oui, je, Étienne. Alors juste Étienne, juste pour dire, on vient d'écouter Roots Manova et la chanson c'était Fighting Force. Il y en a qui veulent retrouver la musique. Vous êtes dans l'émission Au fond près du radiateur. Donc on est toujours avec les grévistes de l'hôtel Holiday Inn. Et Étienne, toi tu fais partie aussi du syndicat CNTSO. Il me semble que tu voulais rajouter une petite précision sur le... Deux petites précisions. On est dans un hôtel 4 étoiles où le prix de la chambre est plancher à 450 euros. Les salariés de la sous-traitance sont à 1350 pour le net, pour le brut pour les femmes de chambre, 1400 brut pour les femmes de chambre, un peu plus pour les gouvernantes. C'est vous dire le pèse que se font et l'hôtel et Emera sur le dos des travailleurs. Deuxième précision, Mirabel a parlé de toutes les sociétés qui se succèdent. C'est prévu dans la convention collective, une disposition qui prévoit que les sociétés se succèdent, mais que les salariés restent attachés au chantier sur lequel ils sont recrutés, c'est-à-dire en l'occurrence l'hôtel Holiday Inn. C'est pour ça qu'on s'est opposé aux mutations, parce qu'il n'y a aucune raison de muter les salariés qui l'ont été, comme l'a dit Mirabel et Eric tout à l'heure. Et ça, on peut rappeler aussi les mutations, c'est ce qui est prévu avec les ordonnances Macron qui risquent de s'imposer un peu dans tout le monde du travail, c'est-à-dire que par accord d'entreprise, maintenant, si l'entreprise dans laquelle vous travaillez, s'il y a un accord d'entreprise qui est signé, le patron pourra vous changer de poste, donc vous changer complètement de métier au sein de l'entreprise où vous travaillez et aussi vous muter comme ça dans un autre site qui appartient à la même entreprise, peut-être même à l'autre bout de la France. Donc ça, c'est des choses qui risquent de s'imposer à tout le monde avec les lois Macron. Moi, je voulais juste rappeler une petite chose sur le groupe pour lequel vous travaillez, pour lequel la société Emera travaille, c'est-à-dire que l'hôtel, la chaîne d'hôtels Holiday Inn fait partie d'un groupe qui s'appelle IHG, donc qui veut dire Intercontinental Hotel Group, donc qui possède notamment les hôtels aussi Crown Plaza et les hôtels Intercontinental qui sont là, on l'a dit, vous travaillez dans un hôtel 4 étoiles, mais ça va être aussi des 5 étoiles, les Intercontinental, notamment à Paris, il y a l'hôtel Intercontinental Paris-le-Grand, il y a aussi l'hôtel Intercontinental qui est avenue Marceau, à Marseille, ils ont racheté un des plus beaux bâtiments de la ville qui était l'Hôtel Dieu, ils en ont fait un palace. Donc ça, c'est le groupe Intercontinental Hôtel Group qui possède 5032 établissements dans le monde, 744 368 chambres d'après Wikipédia. Et donc c'est le troisième groupe hôtelier mondial. Et comme on l'a rappelé, vous êtes sur des salaires de 1002, 1003 et vous faites des travaux qui sont vraiment difficiles. C'est-à-dire que comme on dit, l'hébergement, les femmes de chambre, les équipiers, c'est l'épine dorsale d'un hôtel. Souvent, on dit ça. C'est-à-dire que l'argent d'un hôtel, s'il y a des restaurants, les rentrées, les bénéfices de l'hôtel, ils ne vont pas forcément se faire avec le restaurant. Quoi. Ça va plus être pour du prestige, s'il y a un restaurant, par exemple, étoilé dans un palace ou quoi. Mais vraiment, ce qui va faire rentrer l'argent dans l'hôtel, c'est le prix des chambres. Là, on l'a dit, vous, c'est une chambre, c'est 400 euros la nuit. Quoi. Voilà. Donc, pourtant, vous êtes des travailleurs qu'on n'entend pas souvent, qu'on ne voit pas souvent et que tout est fait pour que vous travailliez sans rien dire, d'un côté. Quoi. Et donc là, ce qui est assez fort, et c'est pourquoi on a voulu vous donner la parole, c'est parce que vous vous battez et... depuis le 19 octobre, vous êtes en grève dans cet hôtel. Donc on peut peut-être commencer par rappeler qu'est-ce qui s'est passé le 19 octobre, le début de la grève, pourquoi ça a commencé. Eric ou Mirabel ou Sidi Bey, comme vous voulez. Oui, comme je viens de le dire, donc nous avons décidé de nous mettre en grève le 19 octobre. Suite aux mutations et aux conditions de travail dégradées. Donc, on a constaté que Emera ne respecte pas le code du travail. Donc, les salariés sont maltraités. Donc, ils savent à quelle heure ils commencent, ils savent pas à quelle heure ils terminent. Donc, nous, on est syndiqués. On voulait pas rester les bras croisés sans rien faire. Donc, nous avons décidé de se mettre en grève. Parce que c'était important, parce que c'est le seul moyen qu'on a pour se défendre, pour faire passer nos revendications. Et aujourd'hui, nos revendications sont légitimes, parce qu'on a beaucoup souffert. Pendant les 9 mois ou 10 mois d'émirat, le climat était vraiment difficile et insupportable. Parce que même moi-même, je suis passé par là, c'était vraiment difficile de travailler dans ces conditions-là. Même moi, le matin, quand je suis arrivé au travail, j'avais la boule au ventre. Parce que je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il y avait une pression énorme. Donc, au moment où nous sommes en grève, donc, on continue à exercer la pression sur les autres salariés qui travaillent. Donc, c'est pour vous dire à quel point que c'est difficile de travailler dans ces conditions. Donc, c'est ça qui nous a poussé à se mettre en grève aujourd'hui, le 19 octobre, bien entendu. Et du coup, comment ça s'organise, la grève à l'hôtel? Comment ça se passe au quotidien? Qu'est-ce que vous faites? Comment réagit aussi la direction de l'hôtel? On va commencer par vous êtes mis en grève. Comment a réagi la direction de l'hôtel? La direction de l'hôtel, Holiday Inn, pardon, tout ce qu'ils font en ce moment, disons au début de la grève, c'est d'appeler les flics qui viennent ramasser nos petits tambours, des huissiers qui nous prennent en photo. Et puis, c'est tout, ils font rien de particulier, ils s'en fichent éperdument. Elle s'en fout, disons la directrice de l'hôtel même, elle s'en fout. Pour elle, vous êtes dans l'eau froide, c'est ce qu'elle dit, ce sont ses propos. Ils sont dans l'eau froide, ils vont se fatiguer, ils reviendront travailler. Donc voilà, ils s'en foutent. Ils misent sur le fait que vous allez abandonner, quoi. Abandonner, voilà, voilà. D'accord. Et concrètement, quelles sont les actions que vous avez menées depuis concrètement, comment vous faites la grève? Bon, il y a eu deux rassemblements à l'appel de la CGT. Donc aujourd'hui, il y a eu un rassemblement qui partait de l'hôtel Holiday Inn Clichy jusqu'à la mairie de Clichy. Donc aujourd'hui, on a reçu l'adjoint au maire. Donc on a présenté nos revendications. Donc pour dire voilà ce que nous sommes en train d'endurer aujourd'hui. Donc on a été reçu. Donc on attend la suite, parce que le maire, c'est quelqu'un vraiment de très important dans une ville. Donc là, on continue, on s'organise comme on peut, parce que là, nous ne sommes pas payés, donc, puisque nous sommes en grève. Donc c'est vraiment difficile, on essaie d'avoir une caisse de grève pour entrer un peu d'argent pour se nourrir, parce que c'est vraiment difficile. On n'a pas assez de moyens. Donc il y a une caisse de grève qui est en ligne, notamment, je crois, qui est sur Internet. Voilà, il y a une caisse de grève qui est en ligne sur Internet. Et on fait des marchés en distribuant nos tracts pour demander de l'aide. Pour tenir. Et j'ai vu qu'aujourd'hui, il y avait un rassemblement. Donc c'était Halloween des révoltés de la sous-traitance. Mmh. Et donc, vous l'avez dit, avec la CGT HPE, donc c'est la CGT Hôtel de Prestige Économique. Et on a pu inviter dans cette émission des salariés, notamment de l'hôtel Campanile Tour Eiffel, donc, qui nous racontaient que aussi quand ils faisaient une grève, ce qui était important, c'est d'avoir une caisse de grève en avance, et ce qui peut permettre de tenir un mois ou deux la grève. Et donc je ne sais pas si vous, avec la CNT, vous avez aussi une caisse de grève, parce que quand on cotise à un syndicat, on paye une cotisation, mais est-ce qu'une partie de cet argent sert à la caisse de grève, par exemple? Alors, actuellement, on fait au cas par cas, si je puis dire, on débloque des fonds soit sur les réserves propres du syndicat, soit sur des collectes que l'on fait au moment des grèves. On n'a pas les moyens, en tant que petite organisation syndicale, les moyens de bloquer et d'immobiliser des fonds dans une caisse de grève, mais à chaque fois, et là on a pris des engagements clairs auprès des grévistes, de venir, en tout cas, suppléer partiellement le manque à gagner sur les salaires d'octobre qui seront payés en novembre. Ce que je voudrais dire, c'est effectivement, on travaille la main dans la main avec nos camarades de la CGT-HPE. Mais les collègues aujourd'hui ne vous ont pas dit, c'est que ce sont les syndicats de la propreté qui ont appelé leurs adhérents pour venir travailler à la place des grévistes. Je citerai la CGT, je citerai la CFDT, d'autres citeraient d'autres organisations syndicales. Tous ont été sollicités par Emera, ce sont les syndicats de la propreté, tous ont été sollicités par Emera pour contribuer à briser la grève. Et certains délégués de la CFDT, notamment, ont passé des heures entières autour du piquet de grève pour essayer de faire comprendre aux collègues que la grève était perdue d'avance et qu'il fallait reprendre le travail. Ces pratiques de syndicats jaunes est inacceptable et font honte au syndicalisme dans son ensemble. J'ajouterai sur la caisse de grève, vous avez sur le site, tant sur le site de la CGT-HPE que sur le nôtre de la CNT Solidarité Ouvrière, une caisse de grève en ligne sur le pot commun que vous pouvez retrouver. Je voudrais préciser, si tu me le permets encore, la CGT-HPE a lancé une pétition que vous trouverez sur son site. Donc je vous rappelle, c'est cgt-hpe.fr, une pétition pour demander la non-ratification de l'ordonnance numéro 2 qui met fin à la possibilité pour les salariés de la sous-traitance d'être élus au sein, par exemple, de l'hôtel, ce qui permettait, et c'est une juste lutte que mène la CGT-HPE et qu'on soutient, qui permettait de reconstituer une communauté de travail et de faire que sur un même site, les salariés de l'hôtel et du sous-traitant se regroupent au sein d'institutions représentatives du personnel unique pour défendre des revendications communes. Et je crois que j'appelle, bien sûr, à participer à la grève à la caisse de solidarité, pas à la grève de solidarité, mais à la caisse de solidarité. Et je vous appelle également à aller sur le site soit de la CGT HPE, soit sur le site de la CNT Solidarité Ouvrière, où vous pourrez signer en ligne cette pétition pour faire échec à une remise en cause d'un acquis qui date de 2008, notamment où les salariés pouvaient participer sous certaines conditions à la vie démocratique, entre guillemets, dans l'entreprise utilisatrice. Et je crois que cette reconstitution de la communauté de travail est un atout essentiel pour lutter contre la sous-traitance et contre la réglementation que subissent les salariés de la sous-traitance du fait des donneurs d'ordre. Donc c'est comme tu disais, par exemple, quand vous mangez, vous devez manger à une table séparée où vous n'avez pas le droit de manger les mêmes croissants que les salariés de l'hôtel. Bah là, au niveau des élections de représentation du personnel, vous êtes considéré comme étant pas vraiment des vrais salariés de l'hôtel, quoi. C'est ça qu'ils aimeraient bien faire croire, alors que c'est vous qui faites tourner l'hôtel. Mmh. Et là, notamment comme vous êtes en grève, qui est-ce qui fait les changements aujourd'hui? Et c'est, comme Étienne vient de le dire, ils essaient d'envoyer un peu des syndicats qui sont avec le patron, des syndicats un peu traîtres, quoi, jaunes. Les plongeurs. Certains représentants, certains délégués qui remplacent les plongeurs, les équipiers d'un autre hôtel. Ah, ils font venir des gens d'autres hôtels Holiday Inn. Et ça, c'est légal? Ils ont le droit de faire ça? La seule interdiction, c'est à l'occasion d'une grève, on ne peut pas avoir recours à des CDD spécifiquement conclus à l'occasion de la grève ou à des intérimaires. Mais à partir du moment où ce sont des salariés qui ont des contrats avec la société Emera, juridiquement, je ne dis pas que c'est... juridiquement, ils peuvent le faire. Ce qui pose problème, c'est que syndicalement, ça pose quand même un sacré problème d'éthique syndicale pour ces militants qui doivent avoir du mal à se regarder dans la glace tous les soirs. Oui, c'est ça. Un syndicaliste, normalement, dans l'image qu'on s'en fait, il est là pour défendre les salariés. Donc quand les salariés se battent pour leurs droits, ils devraient être avec vous et mais pas faire votre travail. Je sais que vous avez invité sur cette antenne les camarades de TFN qui se battaient aux impôts. Je vous rappelle que dans le nettoyage, c'est fréquent que les syndicats, notamment la CGT de la propreté, jouent les briseurs de grève quand on a fait la grève avec les camarades du HPE, de la CGT HPE, ce sont les militants de la CGT de la propreté qui sont venus avec des femmes de chambre en disant aux grévistes, vous n'avez pas le droit de faire grève, et voilà les salariés qui vont vous remplacer. Il a fallu que les femmes de chambre grévistes se mettent en colère tout rouge pour faire partir ces briseurs de grève, ces jaunes et ces pourris. Donc c'est ça, c'est même à la CGT, il y a différentes CGT, quoi. Il peut y avoir des endroits où la CGT est combative avec les salariés et d'autres endroits où c'est des traîtres, en gros. Voilà, pour faire simple. Mais pour quitter un peu ces histoires de syndicats, je voulais revenir un peu sur, du coup, comment vous allez faire pour faire plier la direction de Emera et Holiday Inn. Quelles sont les actions que vous mettez en place aujourd'hui et quelles sont les actions, s'il y en a, qui sont prévues? Tous les matins, il y a aussi un piquet de grève. Donc si vous pouvez nous expliquer un peu tous comment on matins, peut vous rencontrer, vous soutenir. Ouais. Tous les matins, nous avons un piquet de grève de 7h à 16h, voire 17h en semaine. Et le week-end, de 7h à 14h, tous les jours. D'accord. Tous les jours, 7 jours sur 7, vous êtes devant l'hôtel. Nous sommes devant l'hôtel. D'accord. 7 jours sur 7. D'accord. Et du coup, comment les clients réagissent, par exemple? Les clients réagissent bien, ils nous encouragent, ils font des photos, des selfies avec nous, des vidéos. Et il y a d'autres qui disent même qu'ils ne reviendront plus jamais parce qu'ils ne peuvent pas dormir dans un hôtel où ils sentent que les gens sont exploités. D'accord. D'accord. Bah là, il va nous rester à peu près 5 minutes. Pour répondre concrètement à ta question, effectivement, tous les jours, on peut passer. Alors, c'est vrai qu'il y a des jours où on reste jusqu'à 16 heures, d'autres jours, c'est un peu en fonction de la situation. On a mené un certain nombre d'actions. Donc, on avait fait un rassemblement la semaine dernière. On a fait la manifestation aujourd'hui. Et hier soir, nous sommes allés sur un hôtel au Holiday Inn où la société Emera intervient. C'est celui de Saint-Michel. Et jeudi, on s'est donné rendez-vous sur l'esplanade de la Défense pour Hôtel Amélia. Pour faire une action de popularisation de la grève des collègues, puisque c'est un hôtel qui est également nettoyé par les salariés de Emera. Aujourd'hui, la situation devrait tourner en notre faveur, dans la mesure où le taux de remplissage de l'hôtel, comme on le disait, est en chute libre. Et quand je dis c'est en chute libre, c'est même un pic. C'est un fossé, c'est un... sur 260 chambres, il y en avait 35 qui étaient occupées la nuit dernière. Ça veut dire que l'impact financier à 450 euros la nuit, l'impact financier va devenir important. Et je pense que la société Emera, dont le contrat arrive à échéance en décembre, qui peut être renouvelé, puisque ce sont des contrats de 4 ans, mais par tacite renouvellement, je pense que les hôtels Holiday Inn vont finir par se fâcher s'ils ne rentrent pas rapidement en négociation et s'ils continuent à faire un blocage tel qu'ils le font aujourd'hui. La CNT Solidarité, la CGT HPE et d'autres organisations, je pense aux camarades Sud. Il y a Sud Commerce qui est passé aujourd'hui, mais je pensais au collectif des femmes dont le nom m'échappe une nouvelle fois, qui sont venus soutenir. Et il y aura un soutien d'autant plus fort qu'on va reprendre des initiatives dès la semaine prochaine devant les hôtels du groupe Holiday Inn ou devant des sites sur lesquels intervient la société Emera. On va leur pourrir la vie. Tous les jours, on vient avec des confettis et on leur tapisse l'entrée de l'hôtel. On leur tapisse l'entrée de l'hôtel et ça les énerve. Je voudrais rajouter que la police a mis à 8 grévistes des amendes de 68 euros pour avoir tapé sur des casseroles le matin pour essayer de dissuader les salariés de continuer à se battre. Qui c'est qui les avait appelés, la police ? Eux prétendent que ce sont des voisins, parce que c'est vrai que ça fait du bruit. nous savons que c'est la direction de l'hôtel qui incite, y compris sur son site internet, les clients à appeler la police. C'est beau. Donc, pour rappeler, si on veut vous soutenir, donc c'est tous les matins devant l'hôtel. Vous pouvez rappeler l'adresse de l'hôtel, le métro, où est-ce que ça se trouve ? Métro Porte de Clichy, hôtel Holiday Inn, métro Porte de Clichy, c'est la rue du 8 mai. Du 8 mai 1945. D'accord. De rue du 8 mai 1945. D'accord. La Porte de Clichy. Et la caisse de grève, vous pouvez trouver le lien sur le Facebook de notre émission. Donc le Facebook de Au fond près du radiateur, on a partagé le lien de la caisse de grève. Sur le Facebook aussi de votre syndicat, CNTSO, vous pouvez trouver le lien de cette caisse de grève si vous voulez soutenir les grévistes. Et on rappelle jeudi, donc il y aura un rassemblement à la Défense. 16h30. À 16h30. À la Défense. Ça sera on sera le combien jeudi ? Jeudi 2. Jeudi 2. 2 novembre. D'accord. Vendredi 3 novembre aussi, un rassemblement pour rencontrer le. La députée La République en marche de Clichy le. Le vendredi 3 à. À 15h30. À 16h, donc d'accord. On a rendez-vous à 15h30 devant l'hôtel, d'accord. Pour y aller ensemble et elle recevra une délégation. D'accord. Ben, là, du coup, on va passer au dernier sujet de cette émission. Donc, ce sujet-là, on va faire une petite pause musicale, donc ça se termine. Je ne sais pas si Eric, Sidibé ou Mirabel, vous avez un petit mot, un message à faire passer ou quelque chose pour conclure. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Quelque chose à rajouter, ce que vous voulez. Donc moi, personnellement, je sollicite l'aide de tout le monde parce que ce n'est pas facile, c'est une lutte. Donc nous voulons gagner cette lutte. Et ce n'est pas une lutte personnelle, c'est une lutte collective. Parce qu'on a constaté qu'il y a pas mal de problèmes dans ce domaine de nettoyage. Donc c'est un message fort que je vais envoyer à tous ceux qui travaillent dans ce domaine. Il ne faut pas se laisser faire. Et de se dire que on doit faire passer les revendications. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des salariés de Emera aussi qui nous écoutent. Ces salariés aussi doivent se mobiliser et puis pour donner une réponse à toutes ces injustices que Emera a mis en place pour fatiguer en fait les salariés. Parce qu'aujourd'hui, on a vu qu'il y a des salariés qui sont vraiment mal de la situation. Ils n'en peuvent plus. Donc, ils n'ont pas la voix pour revendiquer. Nous, on a sauté le pas. Donc, soutenez-nous si vous pouvez. Merci à tout le monde, à tous les auditeurs. Merci. L'union fait la force, comme on dit. Je ne saurais finir sans remercier le syndicat CGT-HPE qui, depuis le 19, se bat avec nous. Donc, je tiens vraiment à les remercier. C'est juste de répéter par eux, comme on dit. Bon, moi, je remercie tout le monde qui nous soutient. Donc, je vous remercie que nous vous accueillez ici. Voilà, c'est tout. Bah, merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous ce soir sur FPP 106.3 FM. Et puis, continuez à nous tenir au courant des actions que vous menez, etc. Nous, on se fera un plaisir de relayer ça sur cette antenne. Donc, et vous êtes toujours le bienvenu dans cette émission. Nous vous remercions de nous avoir invités. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci et bonne lutte. Merci. Bonne lutte. Deux gosses dans un jardin. Et locotte, nous, elle est maman. J'en sais rien. Tu crois qu'on saura parler comme ça? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Mélocotone, mémé, elle rit souvent. Tu crois qu'elle est toujours contente? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Périnée, elle est grande, presque comme maman. Elle joue pas avec moi. J'en sais rien. Viens, donne-moi la main. Christophe, il est grand, mais pas comme papa. Pourquoi? J'en sais rien. Viens de moi la main. Dis-moi, Locotone, tu crois qu'il nous aime? Ma petite boule d'or, j'en sais rien. Viens, donne-moi la main. Vous êtes dans Au fond près du radiateur, 106.3 FM, tous les mardis soirs de 19h à 20h30, et on passe sur la deuxième partie de cette émission. Mouloud, notre chroniqueur, va nous introduire tout ça. Bonjour, bonsoir, vous êtes effectivement au fond près du radiateur. Déjà, moi j'ai trouvé que c'était très bien de pouvoir effectivement présenter cette lutte de travailleurs dans cet hôtel. Et je trouve que on a passé un morceau, ça s'appelle comment ? C'était Mélocotone. Mélocotone de Colette de... Magny. Et je trouve que c'est une bonne, entre guillemets, continuité de présenter cette militante, chanteuse, personne engagée. Et pour dire les choses, pourquoi on fait un truc sur Colette Magny, c'est parce que j'ai, il y a quelques semaines, découvert, bien dans un café, un film autour d'elle. Je connaissais un peu de très très loin, un peu ses chansons, et j'ai trouvé ça super classe. Et c'est pour ça que je vous ai invité. Alors, que je me plante pas, votre collectif s'appelle... En Garde Records. En Garde Records, voilà. C'est ça. Donc, tout à fait. Voilà. Donc, vous avez quel âge, à peu près ? On a la petite trentaine. Voilà. Trentaine. Alors, c'est Alex et Scam, c'est ça ? Scam Léon, ouais. Voilà, je me suis pas trompé ? Non, parfait. C'est ça. Voilà. Et quand j'ai été voir ce truc-là, je m'attendais à avoir des personnes un peu de... 60 balais, qu'elle ait raconté des vieilles histoires, etc. Et la première chose que j'ai été étonné, c'est de voir plutôt une jeune génération qui s'intéressait à Colette Magny. Et j'ai vu en plus, plus tard, que vous aviez édité... alors, vous pouvez m'expliquer juste deux secondes le... Ouais, bah avec plaisir. Donc, en gros, pour replacer un petit peu le contexte de la soirée à laquelle t'avais assisté, du coup, avec la projection du court-métrage sur l'histoire de Colette Magny, en fait, on a organisé deux semaines d'événements avec notre collectif, voilà, pour rendre hommage à cette artiste Colette Magny, qui, pour nous, représente beaucoup de choses. La première chose, déjà, c'est comme tu le disais, nous, on n'a pas connu Colette Magny en tant qu'artiste de notre jeunesse. C'est une artiste qui est décédée au moment où moi j'avais 8 ans, donc jamais entendue à la radio ou quoi que ce soit. Et comment est-ce qu'on a été amené à s'intéresser à elle ? C'est au travers d'un artiste de hip-hop français qu'on apprécie dans le collectif, qui s'appelle Rosset. D'accord. Et donc c'est Rosset, en fait, qui a donné une interview au journal Libération, ça devait être en 2006, je crois, et qui citait Colette Magny comme une des personnes qui l'a influencé dans, ouais, voilà, dans son art, dans sa réflexion d'artiste, et même dans son engagement politique. Et en tombant sur cette interview, on s'est tous demandé, mais qui est Colette Magny ? Enfin, on s'attendait à voir des noms un peu de figures du hip-hop ou alors du militantisme, et on a vu le nom d'une dame, Colette Magny, qu'on ne connaissait pas. Et c'est de fil en aiguille, en recherchant des chansons de Colette Magny, en retraçant son histoire, qu'on s'est dit, mais cette dame-là, elle représente tout un tas de choses, tout un tas de valeurs qu'on aimerait remettre au goût des jours. Et surtout, on trouve qu'elle est sous-médiatisée, ou en tout cas que sa mémoire n'a pas été correctement transmise à notre génération. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé dans un projet un peu fou. Mais c'est d'ailleurs deux personnes du collectif qui sont absentes ce soir, qui sont vraiment motivées. Droppé et Scam, pour les nommer. C'est ça, donc voilà. Droppé et Scam du label En Garde Records, qui eux sont mobilisés il y a un an pour essayer de monter tout ça. Et donc voilà comment tu t'es retrouvé un soir donc au Tonton Bringueur à regarder... Un documentaire sur l'histoire de Colette Magny. Voilà, et donc du coup, comme disait Alex, de fil en aiguille, en découvrant Colette Magny, on s'est rendu compte qu'il y avait une biographie qui avait été écrite sur elle, qui était parue il y a 20 ans, et qui était introuvable en fait. Le seul exemplaire qu'il y avait, c'était à la BNF, et du coup les amis qu'on a cités voilà, se sont relayés à la BNF pour lire les extraits, et donc du coup... l'idée est venue de toujours dans un état d'esprit do it yourself, tu vois, de tout faire soi-même. On a créé le label en début d'année, dans la foulée on a créé la maison d'édition, et du coup voilà, on a fait un financement participatif durant l'été. On a levé la somme nécessaire pour éditer les exemplaires. Voilà. Moi, Monsieur Macron serait très content, hein, oui, en vous entendant, ouais, comme ça, d'être, ouais, capable de vous auto-organiser, etc., etc. Non, je, ouais, rigole, c'est une blague. Alors, pour dire concrètement, qu'est-ce qui vous a intéressé dans Colin Magny, déjà dans son parcours, parce que nos auditeurs ne connaissent pas, ou très peu, et j'aimerais, à part vos mots, dire comment on peut décrire, au travers déjà de son historique, les quelques points, etc. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'un mec comme toi ou toi, ça vous a parlé, voilà. Ouais, donc je pense qu'il y a plusieurs choses. Moi, pour ma part, c'est vraiment le côté artiste intègre qui m'a marqué dans le personnage et dans la vie de Colin Magny, puisque pour citer quelques petits événements de son histoire, en fait, c'était une dame qui a commencé à chanter à côté de son travail, donc dans... au moment où elle était dactylographe à l'OCDE, elle retrouvait certains de ses collègues pour chanter, pour voilà, partager un moment convivial autour de la chanson. Et elle n'a jamais cherché à le faire de façon professionnelle, en tout cas au départ. Et en fait, de fil en aiguille, ben, les gens l'ont repéré, ont perçu le talent qu'elle avait, le potentiel qu'elle avait. Elle a été sollicitée par plusieurs maisons de disques et systématiquement, elle refusait les approches parce qu'elle ne concevait pas la musique comme un business, tout simplement, et qu'elle-même, ce qu'elle appréciait, c'est préserver sa liberté d'artiste, son intégrité, et du coup, cette capacité à systématiquement pouvoir choisir le type de morceau qu'elle voulait faire, malgré le moule qu'on voulait lui proposer. Elle a souvent été comparée à une grande dame du blues, qui est Ella Fitzgerald, et elle le dit elle-même dans certaines interviews, elle dit « Moi, je ne suis pas une chanteuse de blues, moi, je fais autre chose, je ne veux pas être comparée à des gens comme Ella Fitzgerald, moi, je veux vivre mon expérience d'artiste Colette Magny, je veux écrire mes textes avec des revendications poétiques, je veux aller faire des concerts dans des usines en grève, devant des personnes qui sont opprimées. » Et j'ai pas envie nécessairement de signer un contrat avec une maison de disques et de me représenter devant une énorme foule de personnes. Moi, ce que je veux, c'est partager un maximum et rendre accessible de la chanson qui est ma passion, quoi. Et c'est ce côté-là qui, moi, en tout cas, m'a complètement touché dans ce personnage. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est complètement d'actualité. À mon avis, beaucoup d'artistes partagent ces mêmes valeurs et pourtant n'ont jamais entendu parler de cette dame et de ce qu'elle a fait donc dans les années 60-70. Donc voilà. Non, mais c'est, il a un peu tout résumé. Nous, chez Hangard Records, voilà, on partage surtout un amour du hip-hop. Enfin, on n'a pas que hip-hop, mais ces valeurs de partage, de solidarité, de dénonciation également. Donc c'est vrai quand on a entendu parler de l'interview de Rosset qui parlait de Colette Magny, déjà ça nous a intrigués parce que ça venait de la part de Rosset. Et quand on fouille un petit peu dans l'histoire de Colette Magny, c'est une sorte de modèle qu'on aimerait bien appliquer. On est un label, on organise des événements, mais on est un label d'artistes également. On s'occupe de pas mal d'artistes. C'est un peu l'idée générale qu'on essaie d'insuffler. Ouais, solidarité, partage. Pas rentrer dans le moule et qu'il y a d'autres moyens entre guillemets pour y arriver. Après, bon, c'est regarde, Colette Magny, elle est décédée il y a 20 ans. Nous, par l'organisation du festival, pour fêter la sortie du bouquin et pour fêter malheureusement les 20 ans de sa mort, on a organisé un petit festival là, pendant 2 semaines, donc là où tu es venu à la soirée projection dans le 20e. Comme tu dis, les 3/4 du public qu'on a croisé, c'était 60-70 ans. Et ils étaient ravis. Pour te dire, pendant 2 semaines, on a les anecdotes sur... ils ont eu la même réaction que toi. Ils étaient plus vieux que toi, Mouloud, d'ailleurs. Très gentil. Ils sont contents qu'il y ait une sorte de relais, tu vois, qui se fait, quoi. Il y a un relais qui se fait et... Ouais. Est-ce que vous nous avez préparé des morceaux qu'on peut écouter ou... Ouais. Bien sûr. Alors, ouais, on, bien sûr. On a les gens de la moyenne là. Voilà. Robinson, c'est à toi. Comment ça va, les gens de la moyenne? Vous savez, sans vous, on ne peut rien du tout. Comment ça va, les gens de la moyenne? Savez-vous que sans vous, on ne peut rien du tout? Les études ne sont guère nécessaires pour les hommes que l'on dit ordinaires. 4% de fils d'ouvriers à l'université. Mais pour voter, même par une croix, à signer, on vous incitera. Et si jamais trop nombreux, vous refusez d'y aller, un jour, si vous n'y prenez garde, on vous y conduira par aiguillon électrique. À bétail, pour aller plus vite, comme en Amérique. Mais c'était à Selma, à Alabama. C'est pas notre chair, c'est pas notre sang, on s'en fout. Comment ça va, les gens de la moyenne? Vous savez, sans vous, on ne peut rien du tout. Comment ça va, les gens de la moyenne? Savez-vous que sans vous, on ne peut rien du tout? Les étudiants ont manifesté par la police, ont subi des sévices. Mais c'était à Lisbonne, au Portugal. Mais cette fois, c'était leur chair, c'était leur sang, les bourgeois de la ville. On reniait publiquement 40 années de gouvernement. Comment ça va, les gens de la moyenne? Vous savez, sans vous, on ne peut rien du tout. Comment ça va, les gens de la moyenne? Savez-vous que sans nous, personne ne peut rien du tout? Fond auprès du radiateur sur du coup Fréquence Paris Pluriel 106.3. Voilà, c'était Colette Mani avec Les gens de la moyenne, une chanson dont toutes les paroles retraduisent un petit peu ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire une vision de l'élite de notre pays qui néglige pas mal ces gens de la moyenne, ces gens ordinaires dont la majeure partie de nous faisons partie. Les gens qui ne sont rien, c'est ça qu'a dit le président, je crois. Les feignants, les individus qui ne comptent pas dans la vie et qu'il faut attendre les élites qui donnent de l'argent comme on jette de l'argent pour... voilà, on jette aux chiens un peu d'argent. C'est un peu le roi et la reine, le temps du roi et soleil qui jette un peu sa bouffe aux pauvres pour qu'ils survivent. Et puis c'est un don quand même, c'est super sympa. C'est ça le catholicisme, entre parenthèses. Mais bon, voilà. Merci. Donc c'était il y a plus de 30 ans et pourtant c'est toujours d'actualité. Donc ce qu'on voulait aussi faire passer là comme petite anecdote, c'est que donc Scam Léon vous a parlé là du financement participatif qu'on a mis en place pour financer la réédition de cette biographie, et en fait c'était un petit clin d'œil aussi au fait que Colette Mani en son temps avait elle-même fait un appel aux dons via le magazine Télérama pour financer ses albums et une tournée en France. Et elle avait eu pas mal de succès à l'époque, avant qu'il y ait toutes les plateformes Internet aujourd'hui qui existent pour ce genre de projet. Elle était passée donc, par les bonnes vieilles méthodes de la presse écrite et ça lui avait permis de récolter suffisamment de fonds pour album plus tournée et du coup garder cette liberté qui la caractérisait tant dans ses différents projets. Rien à dire de plus. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, on peut aussi s'auto-financer, c'est ce que vous faites? Ouais, ouais. Après, bon, on a. Je pense que les gens étaient intéressés par le projet. Après, on a. Enfin, un grand merci d'ailleurs à tous les contributeurs qui nous ont permis de sortir ça, parce que sans eux, voilà, on peut. Comme tu dis, oui, on peut faire tout nous-mêmes, mais bon, s'ils n'avaient pas été là, on n'aurait pas pu non plus le sortir. Donc, un grand merci à eux et même leur action va permettre aux gens qui ne connaissaient pas Colette Mani de la découvrir, ou de ceux qui la connaissaient de la redécouvrir. C'est un bel objet. Toi, tu as participé d'ailleurs au financement de... oui doucement, hein, tu as eu ton exemplaire, absolument, t'as acheté ton exemplaire. Je trouvais ça bien de par exemple de monter une maison d'édition, de faire, en plus c'est un très bel objet, j'adore les livres, et surtout par rapport à cette personne. Moi, j'ai vu qu'elle avait fait quand même un engagement sur le Vietnam, contre le colonialisme, pour les grévistes. Voilà, il y a une liste importante. Ouais. Moi, ce qui m'a impressionné aussi, c'est son parcours militant aussi, où elle était toujours engagée. Elle a beaucoup eu de problèmes avec les médias. Comme elle disait, à chaque fois, quand elle passait dans les médias, j'ai 5 minutes, donc il va falloir que pendant 5 minutes, j'occupe absolument tout l'espace, que je salue je ne sais pas qui, etc. Et j'étais très impressionné par ça aussi. Voilà, c'est important. Il y a aussi un aspect qui est d'elle, c'est le fait qu'elle a fait, elle a été dans un IME et elle a fait un concert avec les jeunes. Voilà. Elle a monté un spectacle avec des jeunes. Et moi, j'ai trouvé ça super impressionnant parce que, bon, je travaille autour de ces questions sociales, etc., de ces personnes. Ouais. Et de pouvoir imaginer, fin des années 70, d'imaginer que des jeunes, quelles que soient leurs difficultés par rapport à la vie, peuvent chanter, peuvent créer. C'est quelque chose d'énorme dans un pays où, dans les années 70, il n'y avait aucune loi pour développer la citoyenneté de ces personnes. Et elle avait déjà cette réflexion du droit à la différence, et on n'est pas que handicapé, mais on a des potentiels, etc. Et ça me parlait aussi énormément sur ce personnage, voilà. Ouais, non, c'est... Mais Rosset, pour en revenir encore à lui, qui, du coup, nous a fait la préface de la réédition de la biographie. Et justement, il en parle, il dit il y a beaucoup de rappeurs ou d'artistes engagés qui ont un peu comme référence Gainsbourg quand il avait cramé son billet en direct, que c'était un acte vraiment militant. Rosset dit, lui, il préfère retenir un personnage comme Colette Mani qui reprend des textes des Black Panthers, par exemple, dans ses chansons, dans l'album Répression. Donc c'est un beau parcours, et justement je vous invite à vous procurer sa biographie, parce que ça retrace comme son nom l'indique tout son parcours, et qu'on voit d'où elle vient, enfin de la fin du rang social, du milieu où elle vient. C'est pas forcément un milieu modeste, c'est une classe supérieure, donc d'avoir et les aléas de la vie font qu'elle a eu cette réflexion sur ces mouvements égalitaires, ces mouvements sociaux, et c'est un très très beau parcours. C'est vraiment une belle artiste, et comme tu disais, à chaque fois qu'elle avait une exposition, elle se disait, bon, allez, j'ai 5 minutes, il faut que je rentabilise. Si on parle pas assez de Colette Mani aujourd'hui, si nous, des gars comme nous, même si on est jeunes, qu'on n'a peut-être pas forcément l'âge pour connaître Colette Mani, on est influencé quand même par tout ce qui s'était fait avant, les années 70, 80. Si elle disparaît, c'est bien pour quelque chose. C'est qu'elle dérangeait quand même à l'époque. Et ça, je pense que ça arrange aussi certaines personnes de pas qu'on l'écoute pas régulièrement. De la mémoire artistique. Ouais. Alors que c'est pas du tout le cas. Il y a quand même énormément de personnes qui ont été influencées par Colette Mani, et même plus que ça, comme je le disais, pendant le festival, on a côtoyé des personnes qui écoutaient Colette Mani, mais qui l'avaient côtoyée également, dans la vie privée, dans la sphère intime. C'est fou comment cette dame a pu marquer les personnes qu'elle a rencontrées. On a eu des actes de générosité, nous, par rapport à ce qu'on fait, l'aventure Colette Mani, entre le festival, la réédition du livre. On a eu des actes de certaines personnes qui sont très touchants et qui sont flagrants, qui te laissent imaginer quel personnage c'était. On va peut-être écouter un autre morceau. Ouais, bah c'est une reprise de Victor Hugo, Les Tuileries. Nous sommes deux drôles aux larges épaules, de joyeux bandits sachant rire et battre, mangeant comme quatre, puffant comme dix, qu'en vidant des litres, nous cognons aux vitres de l'estaminet. Le bourgeois difforme, tremble en uniforme, sous son gros bonnet, nous vivons en somme. On est honnête homme, on n'est pas mouchard. On va le dimanche avec Lise ou Blanche dîner chez Richard, nous vivons sans gîte, goulûment et vite comme le moineau. Haussant nos caprices jusqu'aux cantatrices de chez Bobino, la vie est diverse. Nous bravons l'averse qui mouille nos peaux. Toujours en ribote, ayant peu de bottes et point de chapeau, nous avons l'ivresse, l'amour, la jeunesse, l'éclair dans les yeux, des points effroyables, nous sommes des diables, nous sommes des dieux. C'était Les Tuileries de Colette Magny, encore une fois. C'est un texte du coup, qui s'inspire du poème qui a le même nom de Victor Hugo et que Colette Magny réinterprète du coup, au doux son de sa guitare. Je voulais revenir là, sur la notion un peu d'artiste qui fédère la population et qui a envie de rassembler un maximum de personnes autour de sa passion. Nous, on a... Donc je pense qu'au travers du parcours de Colette qu'on a un petit peu décrit avec les différents concerts dans les usines en grève, les initiatives avec des jeunes, les collègues avec qui elle devait jouer après ses heures de travail à l'OCDE, il y a bien cette envie de partage autour de la musique. Et en fait, ça, c'est une notion qui nous a vachement touchés et dont on a voulu s'inspirer en fait, pendant l'organisation là, du festival et donc des 15 jours qu'on lui a dédiés. Pourquoi ? Parce que notre objectif, c'était de lui rendre hommage et de le rendre, entre guillemets, son œuvre accessible au plus grand nombre. Donc pour nous, c'est passé par l'organisation d'une exposition qu'on avait mise en scène nous-mêmes à La Parole Errante à Montreuil. C'est passé par une soirée de représentation du livre dans une bibliothèque, enfin dans une librairie, pardon, qui n'était pas très loin du marché de l'olive, qui s'appelle Le Rideau Rouge. Le Rideau Rouge, voilà, où était présent donc, l'auteur de la biographie Sylvie Vaduro et Rosset, du coup, qui a rédigé la préface de ce livre. On a organisé plusieurs soirées de concerts. Il y a eu des concerts à la Péniche Antipode dans le 19e avec Okamzik, qui est un groupe qui reprend en fait, qui s'inspire très fortement de l'œuvre de Colette Magny. Il y avait Vanina De Franco aussi. On a eu un concert au Drunken à Montreuil, pas très loin de La Parole Errante, avec Mélino, l'ancien des Négresses Vertes, Brava et moi-même d'ailleurs au micro. On a eu la soirée projection au Tonton Bringueur dans le 20e où on t'a retrouvé, Mouloud. Et voilà, plein d'événements. On a eu également une création originale qui s'appelle Lettre à Colette Magny, qui a été faite par le collectif Les Beaux Esprits, avec Marco Moustache. Marco Moustache qui fait partie de Hangard Records, de notre label. Voilà, bon, c'était histoire de remercier un petit peu tous ces partenaires-là. Et comme disait Alex, voilà, l'esprit fédérateur. Pendant 15 jours, je le disais tout à l'heure, on a eu toutes les générations. Ça allait de voilà, des gamins 8 ans, t'as bien vu à la soirée projection, il y avait des enfants, voilà, il y avait le troisième âge, voire le quatrième âge des fois sur certaines soirées, et c'était chouette quoi. Ça servait le petit rouge tranquille et voilà, et tu parles librement. Il y a voilà, dans une interview qu'on peut retrouver sur YouTube de Colette Mani, une des dernières interviews qu'elle donne pour France 3, je crois. Le journaliste lui demande qu'est-ce qui vous attriste le plus dans le monde. Et elle dit la difficulté que les gens ont à communiquer entre eux. C'était pour elle, voilà. Vraiment, je pense, son leitmotiv, c'était ça. C'était vraiment faire de la musique pour donner un sourire, pour que les gens voilà, échangent, partagent. Nous, à notre niveau, à notre petit niveau, ouais, c'est ce qu'on essaye de faire. Moi, personnellement, de ma petite carrière artistique, ça fait 15 ans que je fais de la musique, j'ai toujours eu ça en ligne de mire. Et le hasard fait bien les choses, on croise les routes de façon posthume avec Colette Mani, mais c'est génial, ouais. C'est une artiste qui nous ressemble, en tout cas dans notre label, Hangard Records. Donc là, on va passer un autre morceau. Donc c'est le morceau d'un des rappeurs de notre crew qui s'appelle MC Droppé. Et pas que rappeur du crew, enfin c'est un peu notre... Il va pas aimer, mais c'est notre gourou à nous, c'est notre chef spirituel chez Hangard Records. C'est lui qui a fomenté le truc depuis 3-4 ans. Nous, on est légalement un label depuis le début de l'année, mais il a ce projet de label artistique qui réunit plein d'artistes, qui fait des actions militantes, qui organise des événements depuis quelques années déjà. Et c'est lui un peu qui nous traîne derrière lui. Et les deux protagonistes voilà, de l'aventure Colette Mani, c'est lui, Droppé, et notre ami Scam, voilà, Samuel. Et donc là, on va écouter ouais, la grande partie. Ils sont tous les deux. Ça s'appelle comment ? La grande partie. On a crié bravo ! Qui a crié ? C'est moi. Qui êtes-vous ? L'oiseau. L'oiseau ? Un oiseau ! Les deux enfants l'avaient prédit. Regarde là-haut mon vieux, paraît que le ciel est en feu. Encore un oiseau de malheur qui vient crever les cieux. Ici et les cieux en trois ou en deux, que tout file droit. Droit dans le mur, droit dans le vide, droit sur toi. Rien de nouveau sous la pluie. Les deux enfants l'avaient prédit. Les prédateurs, prédicateurs. Et du lundi au lundi, y'a du carnage au menu et tout le monde sera servi. Les serviteurs, serviles acteurs, jouant la grande partie. Un oiseau en garde, tapant des parties, envolé, laminé, abîmé, les mains liées, vas-y souris et embrasse la mort en cinémascope, oublie la joie, l'instru, Hitchcock, la basse, le rock, enfin ce qu'il fut, et le hip-hop s'il en restait encore, à voir, je sais plus, la disparition du tout, du rien est déjà bien amorcée, j'aurais jamais assez d'un millier de morceaux pour forcer les taux et remettre l'espoir en liberté. J'ai beau tendre l'oreille, je crois que les corbeaux sur la plaine ont arrêté de chanter, monde en chantier, république carbonifère, charbon et gisement aurifère, bradé, archéloge bandé, à trop bouffer de shrapnel, de massacre et de Viagra, tous on les dit. Et c'est le chibre ready que la terre meurt à crédit. Musk a droppé, les deux enfants l'avaient prédit. Le genre humain. Un jour la grande partie. Grande partie. Les rois. Tiennent encore les cartes. La religion et la morale cessent d'être admises. Les rois tiennent encore les cartes. Et ils les tiennent pour les nations. Pour les nations. Regarde là-haut mon vieux, paraît que le ciel est en feu. Encore un oiseau de malheur qui vient crever les cieux. Ici et les cieux en trois ou en deux, que tout file droit. Droit dans le mur, droit dans le vide, droit sur toi. Rien de nouveau sous la pluie. Les deux enfants l'avaient prédit. Les prédateurs, prédicateurs. Et du lundi au lundi, y'a du carnage au menu et tout le monde sera servi. Les serviteurs, serviles acteurs, jouant la grande partie. Partisans du silence sur le bruit de la mémoire face à l'oubli. Aux oubliettes de mes insomnies, le chant du coq viendra troubler mes nuits. Nuisible dans Hitchcock, c'est juste un mauvais présage parti. J'aime les oiseaux qui ne sont que de passage. Chacun son aigle noir, son cauchemar. Chacun construit sa cage, mentale ou réelle. De carrière ou utopiste, et ouais, en roue arrière d'un rêve d'artiste. La nuit je ne dors plus, je fais des tours de piste à cheval sur un éléphant uni j'en piste, enjambe les cadavres encore chauds, des illusions fiévreuses, des pulsions malheureuses que l'humain a banni, dressant une barrière, une douane, une frontière poreuse, un mur séparateur, comme on fabrique son nid, comme on s'isole pour de vrai, jusqu'à en crever, jusqu'à me dropper, les deux enfants sont parés. En garde. Le genre humain. Un jour la grande partie. Grande partie. Les rois. Tiennent encore les cartes. La religion et la morale cessent d'être admises. Les rois tiennent encore les cartes. Et ils les tiennent pour les nations. Pour les nations. Voilà ce que tout le monde se dit. Et ce que tout le monde déplore. Déplore. Déplore. Une renommée palpite à peine une heure. Un livre vieillit dans un jour. Des écrivains se tuent pour attirer l'attention. Votre vanité, on n'entend pas même leur dernier soupir. Bonjour, bonsoir, vous êtes toujours au fond près du radiateur sur la radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM qui est diffusée en théorie tous les mardis de 19h à 20h30, rediffusée le vendredi matin 7h, 20h30, 7h, 8h30 ou un truc comme ça. Voilà, et nous sommes effectivement avec le collectif, excusez-moi parce que moi je suis... En garde record. Voilà, heureusement que vous êtes là. Voilà, et donc on avait compris que vous aviez un gourou, c'est très intéressant. Non, c'est pas ça qu'il faut retenir, mais bon. Non, non, y a... C'était lui qui rappelle. Voilà, exactement. MC Droppé avec en featuring Scam. Et donc, non, bah, il fait partie de l'équipe, enfin, il fait plus partie que partie de l'équipe. C'est lui qui a mis en place En Garde Records il y a quelques années. Et voilà, on l'a suivi dans son aventure depuis maintenant un an, quasiment. Et voilà, nous on représente plusieurs artistes, on a une petite dizaine d'artistes, ça va de la chanson au rap, au rock. On a une association de foot freestyle avec qui on est en partenariat également. On a organisé notre premier événement il y a un mois ouais, de ça, là, au Canal Saint-Martin. C'était quoi comme événement ? En gros, on a ramené le son, on a réservé l'endroit à la mairie et l'association Foot Freestyle Paris, ils sont venus faire une sorte de battle de foot freestyle en fait, sur les mêmes principes que les battles de danse, de battle hip-hop. Et ben voilà, il y avait des battles de foot freestyle, donc on a organisé ça un samedi après-midi. Et encore, le souci de fédérer intergénérationnel, on s'est retrouvés pendant l'espace de 5 heures. On avait l'impression d'être animateurs, tu vois. On a passé notre BAFA en 5 heures avec Alex, quoi. C'était, y avait de la marmaille de partout. Il n'y avait pas que de la marmaille non plus, il y avait du haut niveau. Il y avait des gars qui ont 18-20 ans qui te manient le ballon incroyablement. Un grand big up à eux d'ailleurs, à Elias notamment. Voilà, c'est des amis avec qui on... Voilà, nous on amène notre touche artistique musicale, eux ils amènent leur touche artistique footballistique. Comment s'appelle leur association, tu peux redire? Foot Freestyle Paris. D'accord. Voilà, vous allez, il y a une page Facebook, il y a des vidéos YouTube qui sont belles, quoi. C'est le principe, c'est de mêler le foot et sur des endroits, enfin des lieux historiques, voilà, je vais y arriver, des sites historiques. Donc voilà, il y a des vidéos qui sont faites aux Invalides notamment sur des endroits un petit peu insolites. Et En Garde Records, voilà, nous on est typiquement dans ce genre de soutien ou de partenariat avec ce genre de projet. Bon, après avec Alex c'est un peu spécial parce qu'on adore le foot aussi, donc ce qui n'est pas le cas dans la plupart du label, mais voilà, le foot de cette manière là mérite d'être regardé, quoi. Et à côté de ça, voilà, on fait plein d'autres événements culturels aussi. Ouais, en fait, juste pour conclure là sur l'histoire du foot freestyle, en fait il y a un membre de l'association, donc Ilyes Medalel, qui fait partie aussi de l'association Foot Freestyle Paris, qui lui cherche justement à développer le freestyle, mais pas tel qu'il est en train de se développer. Je m'explique. En fait, aujourd'hui, souvent, il y a un parallèle très rapide qui est fait entre le foot freestyle et le foot classique via des publicités où on retrouvait par exemple Ronaldinho à la grande époque qui faisait publicité pour Nike en faisant des jongles et des gestes techniques. Donc maintenant, beaucoup de freestylers cherche à un petit peu reprendre ce mode d'expression et de vidéo en faisant du placement de produits pour les différents équipementiers. Et finalement, la personne qui est donc dans notre association, lui, il ne se retrouve pas du tout dans ce type de freestyle. Lui, ce qu'il cherche à faire, c'est mettre en valeur des lieux. Il vient du 91, là, il est en train de faire une tournée des banlieues du 91 pour mettre en valeur chaque quartier en faisant une vidéo devant les quartiers avec les gens du quartier. Et du coup, c'est ça aussi qui est assez représentatif de notre démarche. On a des artistes qui ont des affinités différentes, qui vont du hip-hop au slam, à la poésie, au rock, au foot freestyle, mais qui systématiquement ont le souci de rendre accessible leur art et de mettre en valeur des biens collectifs, en fait. C'est ça l'idée. En garde records, voilà. Vous allez sur le site, il y a un site internet qui est bien fait, voilà, avec le descriptif de nos actions, des artistes qu'on soutient, voilà. D'ailleurs, un grand big up à toute l'équipe, hein, à Scam, bien sûr, Droppé, Julie, Lucien, et les artistes Marco Moustache, Kemo, Dareka, il y a Kido, DJ Nejo, bien sûr. Ouais. Il y a pas mal d'actualités là, sur cette fin d'année, donc si vous êtes intéressé là, de vous expliquer nous suivre... Votre actualité, excusez-moi. Notre actualité, donc sans vous faire une liste exhaustive, on a plusieurs projets de clips du coup, qui devraient être diffusés d'ici fin décembre. Il y a plusieurs artistes qui ont comme projet de sortir un EP aussi avant la fin d'année. Donc, mi-automne. Voilà. Un EP. Extended ouais. Play. C'est le en rapport avec le long play, le LP. Le LP, c'est l'album. Le extended play, c'est un format plus réduit. C'est le format, c'est le maxi, en fait. T'as le deux titres et t'as le maxi. Tours. Voilà, maxi 4-5 titres, en fait. C'est l'EP. Il y a pas mal de projets. On est en train de mettre tout ça en place. Et plus l'organisation de concerts également. On organise le 25 novembre une première soirée, pas parisienne, mais on lance notre concept de soirée drum and bass avec le man Horus. Voilà, c'est au complexe 1353, c'est dans le 13e, c'est au 53 rue Vergniaud, métro Glacière, dans le 13e. C'est de 22h à 4h du mat, c'est 5€, soirée drum and bass, voilà, ça s'appelle Sticky Fingers, les doigts qui collent. C'est le samedi 25 novembre. Voilà, samedi 25 novembre, c'est 5€. Et la semaine d'après, toujours au même endroit, 53 rue Vergniaud dans le 13e, il y a la Mike Attack 8e édition, voilà, qui mêle hip-hop et reggae, donc de 20h à 4h30 du mat. Donc il y a un concert hip-hop avec Taipan, Dirty Zoo et Nine Fivers, et ensuite la partie reggae organisée par le Full Posse avec Jazz Screechy, Ghost Rider et le man Tonto Adi, qui est habitué des éditions de la Mike Attack. Donc voilà, et ça c'est le samedi 2 décembre. D'accord. Alors là on va rappeler un peu les dates des grèves, des trucs comme ça. Oui, donc on vous en parlait en début d'émission. On était avec les grévistes de l'hôtel Holiday Inn, Porte de Clichy. Donc on rappelle, vous pouvez les retrouver tous les matins sur leur piquet de grève devant l'hôtel. Donc c'est métro Porte de Clichy et c'est la rue du 8 mai 45. Si vous voulez passer les voir pour dire bonjour, pour parler avec eux ou pour les soutenir ou quoi, vous pouvez aussi participer à la caisse de grève. Donc vu que la direction ne veut pas lâcher apparemment, compenser la perte de salaire, vu que ça fait 15 jours qu'ils sont en grève. Et donc jeudi prochain, ce sera le 2 novembre, il y aura un rassemblement aussi sur l'esplanade de la Défense pour aller devant un autre hôtel où la société sous-traitance pour laquelle ils travaillent a aussi un contrat, donc il y a des salariés de cette société, Emera, et donc ça sera le jeudi prochain. Vous, comme on l'a dit, donc vous avez sorti une biographie de Colette Magny, vous l'avez rééditée. Citoyenne Blues, voilà, qui est disponible sur notre site internet en gardrecords.com et dans certaines librairies parisiennes également. Sur le site internet, il y a une petite carte, voilà, des librairies qui nous recensent, mais notamment le Rideau Rouge. Voilà, le Rideau Rouge, on avait fait le vernissage, voilà, dans le 18e, près du marché de l'Olive. Et elle coûte combien cette biographie ? 8€. 8€, voilà. C'est pas très cher. C'est un bel objet aussi. Très bel objet. Je trouve que c'est un très beau travail que vous avez fait. Bravo. Bravo pour être venu et aussi parce que c'est une très belle découverte pour moi, pour l'équipe et pour certainement les auditeurs d'aller regarder, fouiner de ce qui s'est fait ou ce qui se fait Et je trouve que ça fait partie aussi de notre travail. De notre devoir de mémoire. Voilà. Ouais. Je sais pas, vous avez un dernier mot. Ouais, bah, un grand merci déjà à toi pour l'invitation. C'est à moi, c'est l'équipe. Hein. Ça, voilà. C'est sûr. Merci beaucoup à la fréquence Paris Pluriel. Moi, je vais juste rajouter une dernière chose autour de Colette Mani. C'est qu'il y a un triple album qui va sortir le 3 novembre, qui est publié par... EPM Musique, donc nous, enfin l'association, on est en contact avec la structure qui réédite l'album. Si jamais vous cherchez des endroits où vous pouvez vous le procurer, vous pouvez passer par l'association et on vous mettra en lien avec les personnes qui le rééditent. Donc voilà, merci beaucoup de nous avoir laissé parler de Colette Mani bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bah voilà, c'était Au fond près du radiateur. Nous, vous pouvez nous réécouter pour la rediffusion de cette émission qui aura lieu de 7h à 8h30 du matin vendredi prochain. Sinon, on se retrouve tous les mardis sur cette antenne, Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. Et si ça vous intéresse, si l'émission vous a plu, vous pouvez aussi réécouter les anciennes émissions, les podcasts, sur notre site aufondprèsduradiateur.fr. Donc voilà, on vous souhaite une très bonne soirée à l'écoute de cette antenne. Et tout de suite, vous allez retrouver l'émission d'Ubout.